Chapitre 4. Le trouble qu'il avait rapporté de son voyage à Paris fut lent à s'apaiser. Une excitation inquiète le poursuivait dans la tranquillité du presbytère et jusqu'au pied de l'autel, où il avait à combattre de coupables distractions qui, trompant son oreille, mêlaient à la gravité du chant liturgique les profanes réminiscences de la Judith, qui lui montraient sous les rigides figures enluminées du missel de vagues visions de femmes. Il avait eu une vie chaste. Le respect du devoir, l'isolement, la passion jalouse, qui avait livré son cœur tout entier au culte de la musique, l'avait sauvé des tentations. Ce n'était point un ascète non plus, et si dans l'entraînement qui ramenait trop souvent ses pensées vers le monde et ses pompes, les appétits défendus n'avaient pas de place. Il ne sentait pas moins un grave danger dans les rêveries qu'il agitait. Sa terreur était sincère, bien qu'elle ne fût pas toujours sans charme, et qu'il s'y complut peut-être plus qu'il n'était nécessaire. À la vérité, il était personnellement hors de danger, n'ayant pas à chanter lui-même ce redoutable rôle d'Holoferne, qu'elle était choir à un homme du métier, probablement endurci contre les émotions de ce genre, libre d'ailleurs de s'y abandonner. Mais l'expérience qu'il en avait faite lui avait laissé sur le caractère de son œuvre de pénibles scrupules. N'allait-elle pas être un sujet de scandale? Il se rappelait les crudiques pudibondes de Mademoiselle Françoise. Il se reprochait de ne pas les avoir écoutées. En relisant son poème, il y découvrait tout un monde de choses nouvelles qu'il n'y avait pas mises. Comment, en un Plonville, l'or pur s'était-il changé? Quel sortilège avait transformé jusqu'aux mélodies laborieusement cherchées qu'il trouvait maintenant passionnées? Mademoiselle Françoise surveillait ses agitations d'un œil soupçonneux. Il n'avait pas osé rompre avec elle la vieille habitude d'intimité qui les unissait, et lui laissait ignorer le grand événement qui se préparait. Mais il ne lui avait dit que la moitié de la vérité. Elle avait, dans sa simplicité, une certaine finesse. Elle voyait bien qu'il lui cachait quelque chose. Son imagination étroite s'égarait en suppositions terrifiantes. Elle le savait pourtant honnête, incapable de manquer à ses devoirs. Mais le diable est si malin. L'emploi de cette fortune, qu'il semblait avoir oubliée, la préoccupait. Elle n'avait que trop de motifs de craindre qu'il n'en fît un mauvais usage. Le silence qu'il gardait était gros de péril. Pénétré de l'importance du rôle que la Providence, dont elle était convaincue d'être l'associée, lui avait assigné, elle avait, le premier dépit passé, fait le sacrifice de son amour-propre. Elle s'était imposé la tâche pieuse d'obtenir par la ruse et par la persévérance l'accomplissement d'un dessein auquel s'attachait en son esprit une vague idée de salut. Elle s'était secrètement tabouchée avec l'architecte de l'évêché. Elle s'était fait envoyer des plans, des croquis qu'elle étalait sournoisement sur la table, qu'il regardait d'un air distrait, sans rien dire, avec une indifférence désespérante. Victime innocente, le malheureux architecte recevait de semaine en semaine des lettres qui le sommaient d'imaginer de nouveaux projets. Il recommençait avec résignation, ajoutait docilement des clochetons, des fleurons, s'ingéniait sans succès. Il arriva qu'un jour, Mademoiselle Françoise, descendant de sa chambre, aperçut l'abbé, debout devant la table du salon, les yeux fixés sur l'immense image qu'il y avait déroulée la veille. Le dernier envoi de son complice. Un projet féerique, irrésistible, l'effort suprême après lequel il fallait renoncer à la partie. Elle faillit pousser un cri de joie. J'étais bien sûr qu'il y viendrait enfin. Elle s'arrêta sur le seuil, n'osant plus avancer. Lui, immobile, le menton dans la main, les bras croisés, réfléchissait. Tout à coup, son visage s'éclaira. « Oui, c'est cela, » fit-il, « je le tiens cette fois. » Victoire, elle s'avança, radieuse. « Ah, que je suis heureuse !» Il parut surpris. « Vraiment ? » dit-il. « Comment sais-tu ? Je ne t'avais rien confié, me semble-t-il. Mais peu importe. Écoute, et dis-moi si ce n'est pas une trouvaille. Je supprime complètement Holoferne. » Plus de duo sous la tente. Les soldats emmènent Judith à leur général invisible. L'orgie militaire continue et s'achève. Quand elle s'est éteinte, Judith reparaît tenant en main le trophée sanglant. Dans un court récit, en termes chastes, elle raconte son héroïque forfait. Je fais le sacrifice d'une scène à effet, mais la morale est sauve. Oui, voilà bien la solution. Chercher à jeter un voile discret sur l'entrevue, c'était folie. L'histoire est trop connue. Et il n'est pas permis de laisser croire que c'est par des discours édifiants que la veuve de Bétulie a endormi le terrible général. C'est pour le coup qu'on plaindrait le pauvre Holoferne si méchamment mis à mort par Judith. Il parlait gaiement, s'oubliait jusqu'à l'irrévérence, sans s'apercevoir qu'elle ne l'écoutait pas. Elle n'attendit pas qu'il terminât son étrange discours. Furieuse, elle roula l'image en la froissant et sortit en jetant la porte avec bruit. Il ne vit pas son mouvement, il était déjà en train de griffonner sur la tablette du piano. Les bouderies ne faisaient plus événement. Il semblait que la discorde se fût emparée de cette maison où jusque-là avait régné une paix touchante. Vers le soir, la colère de Mademoiselle Françoise tomba. Elle avait eu le temps, dans la solitude qu'elle s'était imposée pendant la journée entière, de raisonner et d'envisager la situation. S'il avait resté toujours affolé de sa Judith, il n'en faisait pas moins une large concession en consentant à sauver la morale. Il cédait aux justes remontrances qu'elle lui avait adressées. Battue d'un côté, elle triomphait de l'autre. Tout bien considéré, elle pouvait, sans déshonneur, rendre les armes. Elle fit donc sa rentrée au salon. L'abbé était sorti, laissant ouverte au milieu de papiers épars et de feuilles de musique une lettre que le facteur venait de déposer. Elle s'assit et se mit à tricoter. Il était sans doute allé de nouveau chez la Margotte, sa conseillère préférée, sa confidente. Il racontait sans doute à cette femme en ce moment les secrets qui lui taisaient à elle. Et elle tressauta. Une voix sourde qui sortait du dossier du fauteuil venait de lui murmurer à l'oreille des paroles perfides. « Lis cette lettre. Elle porte le timbre de Paris. Elle t'apprendra peut-être ce qu'on te cache. » Elle lâcha ses aiguilles pour dessiner prestement du pouce droit sur sa maigre poitrine le signe de croix. La voix, effrayée, ne se fit plus entendre, mais au bout de 5 minutes, rassurée, elle recommença son ancienne. « Lis donc, personne n'en saura rien, ce que tu apprendras. Il l'a déjà raconté sans doute à la Margotte. Lis, c'est dans son intérêt. Tu pourras, connaissant ce qui se passe, lui donner de bons avis. » C'était le grand tentateur des femmes qui l'assiégeait, celui auquel, depuis Ève, pas une ne résiste. Elle lutta, mais elle finit par céder, et lentement, elle étendit le bras, saisit la lettre et lut. René Marin annonçait qu'une salle était louée, que les chœurs et l'orchestre répétaient déjà, qu'Holoferne étudiait sa partie, qu'une note discrète avait été envoyée aux journaux qu'il avait insérés. Il avait fallu, pour ne pas s'exposer à des revendications et ne pas paraître plagié des Judiths antérieures, applaudi à Paris, annoncer l'ouvrage sous le nom d'Holoferne. Repousser Holoferne pour conserver Judith, c'eût été rendre l'exécution à peu près impossible. Holoferne était une condition de vie ou de mort. Seulement il était de toute nécessité, pour justifier Holoferne, de donner un peu plus d'importance au rôle de l'infortuné général, d'y ajouter un air. Une voix la fit tout à coup tressaillir. « Pourquoi lisez-vous cela ?» C'était l'abbé qu'elle n'avait pas entendu entrer. Elle demeura muette, la surprise était trop brusque et l'humiliation trop cruelle. Il eut la générosité de ne pas insister. Il rassembla silencieusement ses papiers. La situation devenait embarrassante. Elle crut faire une diversion habile en lui parlant de son travail, en lui demandant s'il avait terminé le remaniement qu'il avait résolu. Mais au premier mot, il lui coupa la parole avec violence. « Laissons cela, je vous prie. » Il continua un peu plus calme après un court arrêt, mais les sourcils encore froncés. C'était une idée absurde. Je ne sais vraiment où j'avais la tête. L'explication n'expliquait rien. La chose n'était hélas que trop claire. Pas n'était besoin qu'il donnât ses raisons. La lettre qu'elle venait de lire les faisait assez connaître. Il se soumettait à la décision prise par ses amis de Paris. Pour assurer l'exécution et le succès de son ouvrage, il consentait à le livrer tel quel. Il faisait litière du jugement de sa propre conscience. Il bravait le scandale dont la pensée tantôt encore le faisait rougir. Non, cet excès de faiblesse ne pouvait pas être pardonné. Elle se dressa de toute sa hauteur, leva vers le ciel de bras menaçants, ouvrit la bouche. Il lui avait fait brusquement face. « Épargnez-moi de grâce vos remontrances. Je sais ce que vous allez me dire. L'indiscrétion que vous avez commise ne m'a rien laissé à vous apprendre. » Il ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Elle fut désarçonnée. Fatale curiosité. Elle avait perdu le droit de gronder. Elle était à sa merci. Suffoquant, elle lui tourna le dos. « C'est bien. Perdez-vous si c'est votre plaisir. Je ne me mêlerai plus dorénavant de ce qui ne me regarde pas. » La brouille fut cette fois longue et sérieuse. Elle dura plusieurs jours, au bout desquels les nécessités de la vie commune les réconcilièrent lentement. Il était du reste moins nerveux. La décision qui lui avait été imposée, en mettant fin à ses hésitations, lui avait apporté le repos d'esprit. Il se tranquillisait, se livrait sans arrière-pensée au plaisir que lui promettait la réalisation d'un rêve longtemps caressé. 10 fois, on le pressa de revenir à Paris, où d'importantes besognes le réclamaient. 10 fois, il refusa. Paris lui faisait peur. Il y avait des remaniements à faire, des effets à essayer, des dépenses à ordonner. Il demeura inébranlable, écrivit qu'on paya sans compter, que pour le reste, il laissait carte blanche au directeur qu'il avait choisi. Le temps se passait. Les dernières répétitions étaient déjà fixées. Un matin, comme il achevait sa messe dans le silence lourd de la nef presque déserte, un bruit de chaise remuait, des éclats de voix mal contenus, frappèrent son oreille et lui firent instinctivement tourner la tête. Sa distraction ne fut pas de longue durée. Ses yeux ne quittèrent l'autel que pour y revenir sur le champ. Il gardait l'image à peine entrevue d'une femme élégante, agenouillée entre deux enfants. Alice Cavalier. N'était-il pas le jouet d'une hallucination? Il lui fallut faire un effort de volonté surhumain pour ramener ses pensées vers les devoirs religieux qu'il accomplissait. La messe dite, il rentra dans la sacristie sans lever la tête, honteux de son émotion. Il dépouilla lentement les habits sacerdotaux. Une porte dérobée s'ouvrait sur le jardin de la cure. Il pouvait fuir. Mais s'il avait bien vu, si c'était elle, ne valait-il pas mieux qu'il la rencontrât loin des regards inquisiteurs de Mademoiselle Françoise? Il traversa bravement l'église à pas mesurés, essayant de dompter une agitation où il y avait en même temps de la crainte et de l'espoir. C'était bien elle. Il ne s'était pas trompé. Elle l'attendait sous le portail. Et tout de suite, sans lui laisser le temps d'interroger, elle lui raconta gaiement son voyage. Elle voulait à tout prix revoir avec lui son rôle avant le grand jour, n'étant point sûre de le traduire exactement comme il l'avait conçu. Fatiguée de l'attendre à Paris, désespérant de le revoir, elle avait pris le parti d'aller à la montagne qui ne voulait pas venir à elle. Elle s'était fait un amusement de le surprendre. L'aventure lui paraissait originale et piquante. Elle avait, sans prévenir personne, quitté Paris le matin même, emmenant ses fils, à qui cette escapade promettait une journée d'air pur, un plaisir nouveau. Ce bavardage riant, ce tête-à-tête dans l'ombre mystérieuse du porche, avait je ne sais quoi de capiteux qui le grisait sans qu'il s'en doutât. Il revint à lui en apercevant aux fenêtres du cabaret qui faisait face à l'église des visages moqueurs qui l'espionnaient sous les rideaux. Il connaissait trop la méchanceté villageoise pour ne pas deviner le sens des commentaires auxquels donnait lieu la toilette légèrement tapageuse de l'artiste, sa gaieté franche et familière. Il prit avec elle le chemin de la cure, songeant avec effroi à l'accueil que Mademoiselle Françoise allait faire à cette invasion. Par bonheur, Mademoiselle Françoise fut plus ahurie qu'indignée. Lorsqu'elle reprit possession d'elle-même, l'ennemi était dans la place. Alice Cavalier, assise au piano, ayant jeté bas toque et manteau, maîtresse déjà du logis dont elle semblait s'être emparée en conquérante, lançait des cris provoquants, cherchait en badinant à vaincre la résistance de l'abbé, qu'elle prétendait faire chanter, qui refusait avec une terreur comique, prétextant un enrouement, mentant sans vergogne. Les deux petits garçons couraient en poussant des cris assourdissants dans les plates-bandes du jardin que leurs ébats sauvages menaçaient d'une lamentable dévastation. Dans un beau mouvement d'indignation, elle alla se réfugier dans sa chambre, sa forteresse habituelle et aussi sa prison. Vraiment, c'était trop. Pas encore pour le musicien, mais une chanteuse maintenant. Il ne manquait plus que la Margotte. Et qui sait, la Margotte allait apparaître peut-être. Elle put gémir tout à son aise pendant une couple d'heures. Mais il n'y a pas de plaisir éternel. Il vint un moment où, toute sa colère s'étant dépensée, elle se trouva fort dépourvue, dans la solitude où on semblait l'oublier. La maison paraissait en fête. La voix admirable de la cantatrice montait, vibrante, perçant les murs, la pénétrant insensiblement de son charme. Elle faisait de vains efforts pour ne pas écouter. Elle tricotait avec rage, appliquait son esprit à la récitation d'interminables litanies. Peine perdue, elle entendait, quoi qu'elle fît, et se laissait, en dépit de sa résistance, séduire par ce concert qui la faisait vaguement songer au concert du paradis, quand il n'était pas désagréablement troublé par le vacarme des enfants. Ces deux petits diables, enivrés d'air et de liberté, lassés de cueillir les fleurs et de secouer les arbres, s'étaient jetés dans l'habitation qu'ils visitaient avec une curiosité bruyante de la cave au grenier, la traitant en pays conquis, pénétrant partout, furetant dans tous les coins. Ils poussèrent l'audace jusqu'à entr'ouvrir la porte de sa chambre. Elle se dressa sur sa chaise d'un air si terrible qu'ils reculèrent. Elle commit, malheureusement pour elle, l'imprudence de les regarder. Ils étaient ravissants sous leurs boucles blondes ébouriffées, avec leur petit visage espiègle que la frayeur avait rendu sérieux. Elle n'avait plus vu d'enfant près d'elle depuis l'époque bien éloignée où l'aide qu'elle avait apportée à sa sœur, les soins qu'elle avait prodigués à la jeunesse de ses nièces et de son neveu, lui avaient donné pendant un court instant la douce illusion de la maternité. Une tendresse inopinément réveillée amena un sourire sur ses lèvres, qui ne riaient plus. Ce sourire la perdit en apprenant aux envahisseurs que leur cause était gagnée. La joie de la victoire leur fit perdre toute mesure. Ils sautèrent au cou de l'ami qu'ils venaient de découvrir. Ce fut une débâcle. Mademoiselle François se rendit à discrétion. Lorsqu'après une demi-journée de musique, l'abbé leva enfin la tête, il la vit dans le jardin surveillant et dirigeant leur jeu. Un immense soulagement lui dilata le cœur. Ni l'âge ni l'autorité de ses fonctions ne l'avaient entièrement affranchi de la domination de cette compagne de sa vie, dont l'attachement un peu tracassé, mais profondément dévoué, lui avait gardé un foyer. La lutte qu'il soutenait contre elle l'attristait, l'inquiétait. Il allait donc, puisqu'elle cédait, pouvoir s'abandonner librement. Une délicieuse sensation de repos et de contentement l'envahissait, sans ressemblance avec la brutale émotion qu'il avait affolée à Paris le jour où il s'était si sottement mis dans la peau d'Holoferne. Le soleil était plus brillant et plus gai que de coutume. Les caresses du vent étaient plus chaudes. La vie était entrée dans la maison avec ses enfants, dont les rires argentins le berçaient, avec cette femme qui lui racontait à demi-voix en ce moment la touchante histoire de sa vie, une histoire qui n'était pas neuve pour lui, que René Marin lui avait déjà dite, mais qui lui semblait, contée par elle, 100 fois plus attachante, qui l'attendrissait. Ah, s'il eût osé appeler Mademoiselle Françoise pour lui faire entendre cette parole honnête et douce, elle eût en se tenant abjuré toutes ses préventions. Mais elle avait déjà accepté une première défaite. Il ne fallait pas trop exiger à la fois. Il était bien avisé en cela. Lorsqu'elle fut enfin forcée de paraître devant l'étrangère pour remplir les vulgaires devoirs de l'hospitalité, elle reprit sa raideur malveillante. Elle avait cédé aux enfants, elle ne prétendait pas céder à la mère, dont les allures libres, l'élégance, le langage blessaient ses idées et ses goûts, l'irritaient d'autant plus vivement qu'elle voyait l'abbé complètement subjugué. Il ne lui avait jamais montré à elle ce visage souriant. Il n'avait jamais donné à ses paroles cette attention ravie. Dieu sait pourtant si elle valait bien cette baladine, si ses vertus solides méritaient autrement le respect, si ses discours avaient un autre poids. Avait-il conscience de sa faute et redoutait-il les justes remontrances qui l'attendaient au logis? Lorsque la Parisienne fut partie, il disparut pour aller s'enfermer dans l'église. Il ne reparut que tard. Un froid glacial le saisit quand il vint au salon prendre sa place habituelle. Un courant d'air effroyable s'engouffrait par les portes et par les fenêtres largement ouvertes, faisait danser la flamme de la lampe, secouait les rideaux blancs et les housses des meubles qui s'agitaient avec des apparences de spectres menaçants. Mademoiselle Françoise grelottait avec affectation au centre de cette caverne d'éole. Elle attendait sous les armes en position de combat qui lui demanda une explication. Mais il devina sa tactique, rien qu'à voir son attitude impatiente de la bataille, et garda le silence. Le sens de la démonstration était assez clair. Désappointée, elle prit le parti d'attaquer. Elle se plaignit aigrement, en termes dégoûtés, d'avoir trouvé l'atmosphère imprégnée de parfums. Des parfums, quelle horreur! Les femmes vertueuses se parfument-elles? Est-ce qu'elles se parfumaient? Elle flairait à droite et à gauche, avec une indignation courroucée qui secouait les verres de ses larges lunettes et y mettait des éclairs belliqueux. Elle se repentait déjà de sa faiblesse. Elle cherchait à prendre une revanche. Il trompa son espoir. Alla sans répondre se blottir frileusement dans un coin, prit en main son bréviaire, ce bréviaire qui était toujours sa sauvegarde, qu'il avait tiré de tant de mauvais pas, et il rêva. Il lui semblait qu'un vide énorme, celui de la mort, ce fut fait dans la maison, tantôt encore vivante et bruyante, pleine de cette animation particulière aux habitations peuplées d'enfants. Sa pensée vagabonde le ramenait vers les souvenirs de ses premières années, passées au milieu d'une famille nombreuse dont on l'avait forcé de se séparer pour entrer au séminaire. Il avait obéi sans résistance à la volonté depuis longtemps arrêtée par la dévotion de sa mère, une pauvre veuve qui s'effrayait de devoir donner au dernier-né une éducation coûteuse, qui, dans sa prévoyance parcimonieuse, s'efforçait de conserver intact à ses quatre filles un maigre patrimoine à peine suffisant pour leur assurer une dot. Il s'était soumis parce que, dès le berceau, on lui avait presque journellement répété qu'il serait prêtre, parce qu'on avait adroitement habitué son esprit à cette idée, parce qu'il avait honte de la gêne, quelquefois durement reprochée, que sa venue tardive avait apportée dans le ménage. Et puis, à cette époque, il ignorait encore la vie. Il n'en savait ni les besoins ni les aspirations. Ah, si l'on eût pu prévoir alors que le cousin Jérôme laisserait tôt ou tard une fortune, les choses se seraient passées d'une autre façon. Mais on croyait le cousin Jérôme mort misérablement dans les pays lointains. Il eut vécu la vie de tous les hommes, il se fut mêlé à l'ardente bataille de l'existence. Il fut devenu sans doute un grand musicien. Il eut connu l'amour, non l'amour qui tue le corps et l'âme, celui qui tenait une si grande place dans les récits et dans les confessions de la Margotte, mais celui qui fortifie, qui donne l'inspiration, le courage, la véritable paix, celui dont il avait eu la sensation pendant la durée du long tête-à-tête qui avait rempli l'après-midi. Il s'était imprudemment amusé d'un jeu d'imagination dangereux et charmant. Ce n'était hélas qu'un rêve dont il ne restait plus qu'un regret cuisant. Ni cette femme assise tout à l'heure à côté de lui dans l'abandon d'une intimité confiante, ni ces bambins qui prenaient leurs ébats sous l'œil de la vieille tante n'étaient à lui. Il n'avait fait que passer, et maintenant il n'avait plus en face de lui que la réalité morne d'un intérieur condamné à demeurer éternellement désert. Une larme perla sous ses cils et lui tomba sur la joue. Mademoiselle Françoise ne la vit pas ou ne voulut pas la voir. Elle se leva pour fermer les fenêtres, jugeant sans doute que la chambre était suffisamment purifiée. « Tu parais souffrant, l'abbé ? » fit-elle un peu radoucie. « Non, j'ai seulement besoin de repos. » Ils se quittèrent comme ils se quittaient tous les autres soirs. « Bonsoir, tante Françoise. »« Bonsoir, l'abbé. »